Au cours de l'année 2014, la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec s'est penchée sur les enjeux de l'avenir énergétique du Québec afin d'ajouter un éclairage, celui de l'éthique, aux choix responsables que devront faire les décideurs politiques dans un avenir rapproché. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Édith Delory, présidente de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec. Bonjour, Mme Delory. Bonjour. Alors, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à Futur Simple. C'est un plaisir partagé. Mme Delory, comme ça fait longtemps que vous n'êtes pas venue, on aimerait ça que vous nous parliez quand même un petit peu du mandat de la Commission. Écoutez, la Commission a comme mission, en fait, de conseiller les décideurs politiques et plus spécifiquement la ministre, puisque c'est une ministre que nous avons actuellement à la tête du ministère, de l'économie, de la recherche et de l'innovation, sur toutes les questions d'ordre éthique que soulève le développement de la science et de la technologie. C'est un organisme qui est autonome. Au départ, c'était un comité permanent du Conseil de la science et de la technologie, organisme qui a été aboli. Et la commission a été instituée comme organisme autonome et indépendant, et ça c'est important de le souligner, en 2011. Oui, tout à fait. Oui. Alors, si on revient à notre sujet du jour, Mme Delory, alors pourquoi la commission s'est-elle intéressée à l'avenir énergétique du Québec en 2014? Quel était l'objectif de cette réflexion à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait un contexte ou des événements particuliers qui ont justifié cette réflexion? Oui, il y a plusieurs éléments. D'abord, je pense que le premier, c'est sans doute l'apparition du rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, intitulé « Maîtriser notre avenir énergétique » en 2014. Mais l'attention de la Commission avait été aussi attirée par la publication, en 2013 cette fois-ci, d'un rapport de la Commission européenne, du groupe européen en éthique de la science et de la technologie, intitulé « An Ethical Framework for Assessing Research, Production and Use of Energy ». Donc ça aussi, ça nous avait interrogé, si vous voulez, dans une certaine mesure. Et puis un certain nombre d'événements, on tient compte bien sûr de la mobilisation citoyenne qui a eu lieu à propos du port pétrolier à Cacouna. On pense aussi au pipeline Bridge, on pense aussi à la tragédie du lac Mégantic. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même 47 personnes qui ont trouvé la mort. Et donc c'est un peu ça qui nous a amené à réfléchir sur la question. L'objectif, pour répondre à votre question, étant de préparer, en fait, d'ajouter à la dimension éthique du rapport de la Commission sur les enjeux éthiques du Québec, qui venait de sortir, on vient de le dire, bon, et qui n'abordait pas les questions éthiques. Bon. Et aussi de préparer un outil d'aide à la décision pour les décideurs politiques sur le point d'élaborer une nouvelle politique énergétique pour le Québec. Et on parle beaucoup de transition écologique importante en matière de choix énergétique pour le Québec. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, en fait, pour ce qui concerne la transition écologique, c'est que on considère que ce ne sont pas seulement les éléments d'ordre matériel, d'ordre économique qui doivent être pris en considération. Il faut avoir une perspective globale, qui permette effectivement de conjuguer les impératifs économiques avec notre rapport à l'environnement. D'accord. Je pense que c'est ça essentiellement. Donc, il faut être conscient qu'il y a un virage qui doit s'amorcer, et c'est cette transition-là, en fait, qu'on espère voir se présenter. Et la Commission a fait une réflexion qui repose sur trois dimensions éthiques. Quels sont les aspects sur lesquels a porté la réflexion de la Commission? En fait, il y a trois éléments. Gérer les enjeux mondiaux actuels, le rapport des Québécois aux différentes formes d'énergie et à leur utilisation, et aussi les valeurs, bien sûr, porteuses d'avenir qui pourraient éclairer les choix politiques. D'accord. Et si on commençait par le premier, quels sont les enjeux mondiaux actuels retenus par la Commission et leur impact sur les choix énergétiques? En fait, il y a quatre défis majeurs bien documentés au plan scientifique, je dirais, en ce qui concerne les enjeux mondiaux. Les changements climatiques, l'accroissement de l'écart entre les riches et les pauvres, l'augmentation de la population mondiale et les phénomènes de migration et l'érosion de la biodiversité, bien entendu. Et si on commençait par aborder l'aspect des changements climatiques, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet aspect-là? Je pense qu'au niveau du changement climatique, c'est scientifiquement maintenant prouvé. Il y a encore, bien sûr, des climato-sceptiques, mais je pense que, on doit tous être mis devant une évidence et agir en conséquence. Bon, donc il y a quand même là un effort qui s'est produit au niveau international, on l'a vu, on espère que ça va porter fruit, parce qu'il y a encore bien sûr des choses à mettre en place, mais on espère que ça va se faire. Et nul ne peut ignorer la chose maintenant. Non, je pense que ça devient extrêmement difficile. Et concernant l'accroissement de l'écart entre les riches et les pauvres? Ben en fait, il faut regarder ici à l'échelle planétaire. Hein. Bon, je pense que c'est comme le phénomène de l'augmentation de la population mondiale et des flux migratoires. Puis c'est en lien avec les changements climatiques aussi, ça. Hein. Bon, parce qu'effectivement, on va, compte tenu des changements climatiques, il va y avoir des flux migratoires, bien évidemment. Des zones inondables, des zones qui vont être inondées et qui se situent particulièrement dans des régions où effectivement, bon, l'économie est plutôt brinque-ballante et où l'écart entre les chez les pauvres est plus criant, ça c'est évident. Et où il n'y aura pas de solution évidente pour ces gens-là à court terme. Il faut regarder tout ça en fait, de façon globale. C'est un fait. Et concernant aussi l'augmentation de la population mondiale dans les phénomènes de migration, en fait, j'imagine aussi que ça a un impact, ça. Mais bien sûr, ça a un impact. On est déjà confronté à un phénomène de migration qui est dû à des conditions géopolitiques. Bon, mais là, les phénomènes de migration dont on parle vont être d'un autre ordre, mais ça va devenir inflationniste, en quelque sorte. Si vous conjuguez la dimension géopolitique avec cette dimension qui est liée au changement climatique, il va falloir gérer ça. C'est un fait, parce que, l'augmentation de la population mondiale, ça fait quand même... Ça va nécessairement aboutir à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Inévitablement. D'autant plus que bon, on voit que les pays, en émergence, nous disent, écoutez, on est en train d'essuyer ce que vous avez mis en place, puis nous, laissez-nous nous développer. On voit que il y a des tiraillements quand même. Bon, ça a été un consensus difficile quand même à Paris, je pense. J'imagine, parce que c'est quand même justifié ce qu'ils réclament là. Ils veulent leur chance, eux aussi. Mais il faut aussi que peut-être on les aide à mettre en place justement de nouvelles technologies qui permettent d'allier le développement économique avec effectivement le respect de l'environnement. C'est un fait. Et concernant maintenant le quatrième point, l'érosion de la biodiversité, qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce point-là? Ben, je pense que c'est quand même bien documenté. Bon, sur le plan scientifique, là, je ne voudrais pas élaborer trop longuement là-dessus, mais je pense qu'on a quand même un problème d'érosion de la biodiversité. On voit des espèces qui disparaissent, soit sur le plan de la flore, de la faune. Bon, donc ici encore, bon, puis on voit qu'on essaie de garder, en fait, si vous voulez, des semences, parce qu'on a peur qu'on ne les retrouve plus par la suite. Donc, il y a quand même tout un mouvement en émergence qui tente à démontrer qu'il faut faire quelque chose pour préserver cette biodiversité. Oui, puis au Canada. Puis on voit, au Canada, regardez les exemples qu'on peut avoir. Les ours polaires, c'est ça. Les ours polaires, effectivement. C'est un très, très, très bel exemple. La Commission estime que les Québécois entretiennent une relation ambivalente avec l'énergie. Quel est le rapport qu'ont les Québécois envers les différentes formes d'énergie et leur utilisation? Écoutez, je pense qu'on est un peu ambivalent dans la mesure où on a quand même une source d'énergie propre, l'hydroélectricité. C'est un fait. Très abondante aussi. Très abondante, et puis on en use allègrement. Hein? OK. Le robinet est ouvert. Là. Oui, c'est ça. Bon, et ça donne aussi bonne conscience parce que, c'est propre. Ouais. Hein? Bon. Mais par ailleurs, on est en fait, je pense au terme de transport, là, les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Ça, c'est un fait. Hein. Alors, il y a une contradiction dans le comportement des Québécois. On se donne bonne conscience parce que, on a ici des ressources qui permettent d'exploiter en fait l'énergie de façon propre, mais d'un autre côté... On utilise allègrement aussi des moyens de transport qui provoquent des gaz à effet de serre. Et c'est un fait, dans le transport, il me semble que le pourcentage des émissions de gaz à effet de serre a vraiment augmenté par rapport à la population, n'est-ce pas? Il me semble que ça augmente beaucoup plus que la population. Beaucoup plus que la population, c'est ça qui est incroyable. Uh-huh. Et je pense que les gens n'en sont pas conscients. C'est un fait. Et aussi, si on se compare à des pays qui ont à peu près le même climat que nous, je pense aussi qu'on les bat. On est les champions, je dois dire. Et il faut qu'on en soit conscient. Ce qui veut donc dire qu'on aurait quand même beaucoup à faire, nous, on pourrait quand même réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je pense. Surtout dans le transport. Je pense. Il y a une question aussi de comportement, de culture, indépendamment de la technologie. Là, je pense qu'il faut peut-être qu'on révise un petit peu nos façons d'agir. Et d'après la Commission, quelles sont les valeurs d'avenir qui seraient susceptibles d'éclairer des choix politiques valables au Québec? Ben, écoutez, on les a regroupées en 4 catégories. En fait, oui. Ce sont des valeurs qui sont portées déjà par la loi sur le développement durable. Il convient de le rappeler. Okay. Peut-être qu'on a une loi qui est porteuse de valeurs. Okay, donc, ils sont déjà inscrits dans la loi. Elles sont déjà inscrites. On les a regroupées autour de 4 valeurs fondamentales, okay, qui sont la prospérité et l'efficacité économique. Bon. Oui. Qui sont la responsabilité politique de l'État. Non. En termes de prévention, de précaution, de partenariat, de subsidiarité. La promotion de la qualité de la vie pour tous et la participation démocratique. Bon, santé, qualité de vie, équité, solidarité sociale, participation, engagement, accès au savoir. Et le respect, bien sûr, des limites environnementales pour assurer la durabilité sur le long terme. Préservation de la biodiversité, dont on vient de parler. Uh-huh. Respect de la capacité de support des écosystèmes, c'est toujours un lien. Et protection de l'environnement, évidemment. Oui, tout à fait. Et est-ce que la Commission a émis des recommandations? Est-ce que vous avez adressé des recommandations au gouvernement? Ça a déjà été fait, ça? On n'a pas adressé de recommandations comme telles. On n'a pas émis d'avis. On a envoyé une lettre, en fait, au ministre responsable, bon, et au premier ministre, intitulée « Principes éthiques pour une politique énergétique du Québec ». Donc, ce qu'on voulait quand même aussi rappeler aux décideurs, c'est qu'on avait déjà un instrument qui posait des jalons pour élaborer une politique, mmh, énergétique, bon, qui fasse l'alliance entre les besoins d'économique et puis le respect de l'environnement, et que peut-être il fallait puiser dans cette loi des éléments qui permettraient de bâtir cette politique énergétique. Eh bien, merci beaucoup, Mme Delury, et espérons que les recommandations de la Commission auront été, en fait, les recommandations dans la lettre auront été entendues. On l'espère, et puis c'est d'actualité, puisque, bon, on va en déposer une autre bientôt. Tout à fait. Alors, nous venons d'entendre Édith Delury, présidente de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec. Alors, nous allons faire une pause musicale, et on vous revient après avec Karine Gravel et Samira Hamil. À tout de suite.